Vous m'en lirez tant, votre émission littéraire présentée par Mona. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Debras qui vient nous parler de son roman Le Maître de Ballet. Ne soyez pas étonnés si je tutoie l'auteur, nous nous connaissons depuis de nombreuses années, même si nous nous étions un peu perdus de vue. Bonjour Catherine. Bonjour Mona. Peux-tu te présenter, nous parler de toi ? Volontiers. Donc voilà, je suis professeure agrégée de lettres. J'enseigne dans un lycée de Nancy depuis 30 ans. Et je suis mère de 3 enfants qui ont entre 18 et 21 ans. Donc mon mari, lui, il est instituteur et contrebassiste, donc féru de jazz. Et bon voilà, donc l'écriture a toujours été très importante pour moi depuis l'enfance. Et donc... Mais jamais ça ne m'est venue spontanément. En fait, j'ai toujours dû aller chercher l'écriture. Et à la naissance de ma fille aînée, je me suis inscrite dans un atelier d'écriture parisien. Et j'ai suivi ces ateliers qui avaient lieu en Haute-Marne. Et donc ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a fait apprendre vraiment ça m'a fait apprendre l'écriture. Auprès de quelqu'un qui était très très intéressant, Elisabeth Bing, qui a fondé ces ateliers. Mais en fait, ce n'est pas ce qui m'a permis vraiment d'écrire des livres complets. Et pour cela, j'ai attendu de rencontrer un écrivain qui est venu parler dans mes classes et qui, lui, m'a vraiment stimulée, m'a vraiment... voilà, j'avais commencé à écrire un roman dans les ateliers, il m'a dit de le finir, il m'a vraiment vraiment aidée à démarrer des projets plus importants. D'accord. Et tu as un rituel pour écrire, des manies ? Alors non, en fait, ce qui se passe, c'est que j'écris plus facilement le matin. Donc voilà, je me lève, je m'installe, et puis j'écris à l'ordinateur. Et j'essaye à chaque fois de reprendre ce que j'ai fait la veille, mais pas de rituel particulier sinon. D'accord. Et tu peux nous dire quelle a été la genèse de ce livre, Le Maître de Ballet ? Oui, alors justement, c'est assez intéressant, je trouve, parce que... déjà, le livre est parti d'une nouvelle qui n'a pas été publiée parce que je cherchais une idée de roman et j'avais l'idée d'un souvenir des cours de danse que j'avais pris à Thionville, à l'Institut Ancelin, quand j'avais entre 9 et 13 ans à peu près. Et j'avais beaucoup, beaucoup d'amitié pour mon professeur, Monsieur Raymond Rossi, qui m'aimait bien aussi, il me faisait faire des petits exercices à la barre exprès pour les montrer aux autres. Et bon, il y avait beaucoup de sympathie réciproque. Quoique je ne lui parlais jamais en fait à ce professeur. Mais j'ai gardé des petits fascicules qui étaient les fascicules des galas de fin d'année qu'on faisait dans l'Institut Ancelin. Donc des ballets où ils invitaient quand même des personnalités de la danse. Et j'ai retrouvé, en fait, sur ces petits fascicules, le fait qu'il était maître de ballet au grand ballet du marquis de Cuevas. Voilà, je me suis dit, je vais essayer de le contacter, je vais essayer de parler avec lui, qu'il me raconte un peu sa vie, et puis je ferai, en quelque sorte, une sorte de biographie romancée de ce personnage. Et puis, un jour, me prend le culot d'appeler l'Institut Ancelin. Et en fait, la dame, qui est une vieille dame, qui était la fondatrice de l'école, me dit « Ah, monsieur Rossi nous a quittés, en fait. » Et donc, il était décédé peu de temps après. Et elle-même, elle est décédée peu de temps après aussi. Donc voilà, moi, en fait, ma source d'information était tarie. Je ne pouvais plus lui demander par quel détour, quel chemin il était arrivé à être professeur de danse à l'Institut Ancelin. Donc, je me suis débrouillée. J'ai calculé l'âge qu'il pouvait avoir à peu près. Donc, je me suis dit, il devait avoir à peu près 60 ans quand je l'ai eu, quand j'étais élève là-bas. Et j'ai refait, en fait, toute une chronologie de sa vie avec les événements qui jalonnaient l'histoire de la compagnie du marquis de Cuevas. Et donc, j'avais une trame. Je me suis dit, je peux quand même partir de ça. Et j'avais trouvé qu'il devait être né en 1923, ce monsieur. Donc, j'ai commencé à écrire. Une fois que j'avais écrit ma petite nouvelle où je racontais mon histoire personnelle, mais celle-ci, elle m'a juste servi à me mettre dans l'action, en quelque sorte. Et donc, voilà, donc j'ai commencé à écrire. Alors, mon personnage, qui s'appelle non pas Raymond, mais Georges dans le livre, a 7 ans au début du livre. Et puis, au bout de 3 ans d'écriture et 300 pages, il n'avait que 15 ans. Donc, je me suis dit, si je dois le mener jusqu'à ses 60 ans, ça ne va pas être possible, à moins d'écrire une saga. Donc, voilà, donc je l'ai laissé à l'âge de 15 ans, à l'orée de sa vie professionnelle. D'accord. Et mais avant d'entamer le vif du sujet, de te demander de résumer le maître de ballet, nous allons vous mettre dans l'ambiance et nous allons faire une petite pause musicale où nous allons écouter les danses polovtiennes, extrait du prince Igor de Borodine. Sur Fadjet, vous m'en lirez tant. Alors, peux-tu nous résumer le maître de ballet ? Oui, voilà, donc mon personnage, comme je l'ai dit, est né en 1923. Et au début du roman, il vit dans l'est de la France avec sa famille, ses parents et sa grand-mère. Et en fait, il vit dans une ambiance vraiment morose et tendue. Et il ressent la haine de sa mère et il y a des disputes en fait entre ses parents, des disputes avec sa grand-mère, puisqu'il a une grande proximité avec sa grand-mère, Marguerite, qui lui raconte sa jeunesse et elle lui raconte qu'elle a été domestique chez un médecin, le docteur Grebmeier. Et c'était la grande époque des ballets russes, donc elle s'est passionnée pour les ballets russes et... Elle a toujours au-dessus de son lit, en fait, l'affiche du sacre du spectre de la rose, avec l'image, le dessin de Nijinsky dans le spectre de la rose. Donc voilà, en fait, après, il va y avoir encore une période de crise, et Marguerite, sa grand-mère, va le prendre, et puis elle va l'emmener à Paris. Donc, c'est lui, il a 7 ans, donc il est à la fin de son CP, et elle le conduit chez le docteur Grebmeier, justement. Et c'est le début d'une nouvelle vie, parce que là-bas, en fait, il va rentrer dans une nouvelle école, beaucoup plus bourgeoise que la sienne dans sa région de l'Est de la France. Et... il va entrer dans le cours de Stella Ronceret, qui est un personnage clé également dans ce livre. Il rentre dans ce cours et ça l'émerveille complètement de commencer à danser. Donc il est le seul garçon dans une classe de petites filles. Et voilà, donc... Mais un jour, en fait, il va faire une demande au docteur qui semble un petit peu insolente. Il va lui demander de prendre davantage de cours de danse. Donc, le docteur devrait financer ses cours de danse. Et ça, le docteur le prend très, très mal. Et ça engendre une rupture entre le docteur et puis Marguerite et lui. Et Marguerite, sa grand-mère, va chercher du travail. Et elle va trouver un travail de femme de ménage aux Galeries Lafayette à Paris. Donc, il va y avoir aussi une amitié qui va se nouer à ce moment-là entre Marguerite et Stella, puisque Stella, ne le voyant plus venir au cours, va venir chez lui, chez Marguerite. Et donc, ils vont parler vraiment de ce qui les habite. Et puis, en fait, il va finalement... le docteur va accepter de donner plus d'argent pour ses cours de danse. Voilà. Et 3 ans après... Donc, Georges a 10 ans et il a très très envie de s'inscrire à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Donc, voilà, il a un seul problème quand même important, c'est qu'il est trop gros en fait. Il a un problème de poids et il craint en fait de ne pas passer la première sélection. Donc, sélection de taille et de poids très rigoureuse qui existe toujours. Donc il essaye sans trop de succès de se mettre au régime, le petit Georges. Et son deuxième problème, c'est qu'il a des soucis scolaires. C'est un très très mauvais élève. Voilà, donc il ne peut pas trop compter sur ses résultats scolaires Pour relever sa note. Voilà, pour relever sa note. Et au cours de Stella, il va rencontrer aussi un autre personnage clé, c'est Pauline. Donc Pauline, elle, c'est une jeune fille qui vient d'un milieu bourgeois. Et voilà, donc elle va l'accompagner aussi pendant tout le cours du roman. Voilà, donc en fait, après, ils vont déménager avec Marguerite, ils vont aller donc dans un autre appartement. Et coup de chance, en fait, cet appartement est tout près de l'école des Petits Rats, rue de Ville-l'Évêque. Donc il est follement heureux, il va obtenir de suivre des cours pour se mettre à niveau, parce qu'il a toujours cette attention de faire le concours d'entrée à l'école de danse. Et il va avoir un coup de culot et il va entrer dans le cours de Maître Brieux, qui est un personnage qui a vraiment existé. Et qui va l'aider à prendre ses cours de danse. Et puis, il y a un autre personnage encore qui est très important, c'est Olga. Alors, Olga, c'est une petite danseuse russe, très brillante danseuse. Et elle va l'aider beaucoup aussi. Par exemple, elle va lui offrir un billet à l'opéra pour qu'il assiste à un ballet, La vie de Polichinelle, qui est un ballet où danse Serge Liffard, et puis des petits élèves, justement, de l'opéra, dont Olga. Voilà, donc ça va être très important. Et puis, il va apprendre aussi que Serge Liffard veut promouvoir la danse masculine, donc c'est une très bonne période pour lui, pour entrer à l'opéra. Et chez Stella, il va y avoir aussi un événement important, c'est que Stella va organiser un stage d'été. Stage d'été où... il va y avoir donc des jeunes gens qui veulent passer justement des concours, et il y aura beaucoup de discussions à l'intérieur de ce stage et beaucoup d'amitiés qui vont naître. Donc des discussions aussi sur les courants qui vont remettre en cause la danse classique, la rigidité de la danse classique, et des conversations politiques, puisque alors, les mouvements d'extrême droite gagnent du terrain. Dans les danseurs du stage, il y a un danseur juif, donc il y a du danger qui est dans tout cela. Et puis Pauline, elle doit se marier en fait avec un ingénieur en aéronautique, Philippe, qu'elle n'a pas trop vu en fait. C'est un mariage totalement arrangé. Donc oui. Voilà. Donc et puis elle va partir à ce moment-là. Elle va faire un voyage. Elle va s'éloigner de Paris et elle va être invitée dans le sud, en Italie, en compagnie de ses belles-sœurs. Et donc elle va lui écrire des lettres qui figurent dans le roman. Voilà donc. En 1936, il va y avoir beaucoup de dissensions politiques. Donc, les danseurs russes et Georges vont se réjouir de la victoire du Front populaire. Mais le docteur Grebmeier, lui, il n'est vraiment pas du tout de cet avis. Pas du tout. Lui, il est d'extrême droite et même antisémite. Oui, pourtant, avec le nom qu'il a. Voilà, c'est vrai. C'est bizarre. Exact. Donc, Pauline a une nouvelle maison à Paris, comme elle est mariée, donc une maison d'architecte assez froide. Mais il y a une pièce qu'elle a réussi à se réserver pour elle et où elle va développer sa passion pour la couture. Voilà, donc, à partir de là, donc, Georges va beaucoup hésiter entre les deux jeunes filles, entre Pauline et Olga. Réussira-t-il le concours? Voilà, telle est la question qu'on se pose. Alors, dans ce livre, tu retraces l'histoire de la danse. Je suppose que tu as dû faire d'énormes recherches. Ah oui, j'ai passé mon temps à faire des recherches, en fait. Alors, beaucoup de recherches, déjà sur les ballets russes, sur Nijinsky. J'ai lu des biographies de Nijinsky. Donc, c'était vraiment intéressant. Et puis, justement, sur les différents courants de la danse qui allaient donc s'éloigner de la danse classique. Donc, dans le désordre, Balanchine, Martha Graham, Isadora Duncan, Liffard, tous ces grands personnages. Qui parlent à l'oreille encore. Voilà, qui ont encore une résonance aujourd'hui. Oui. Et voilà, donc, j'ai lu pas mal de livres aussi sur Liffard, par exemple. Et j'ai aussi trouvé des documents sur Internet qui m'ont beaucoup intéressée sur la danse entre les deux guerres, parce que c'est très méconnu en fait. Oui. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Et donc j'ai trouvé des documents vraiment universitaires sur la façon dont la danse était développée, les rapports avec le nazisme, donc beaucoup de choses que j'ai pu utiliser pour mon livre en fait. Voilà. Mmh. Alors bon, Georges est tout petit, mais il a énormément de volonté, de pugnacité, malgré un physique peu propice donc à cet art de la danse. Tu penses que lorsqu'on a une vraie passion pour une activité, on est capable de soulever des montagnes ? Oui, quand même, je pense que c'est vrai. La passion, moi je sais que par exemple ma passion pour la littérature, ça a été quand même quelque chose qui a vraiment motivé ma vie. Parce que je n'étais pas capable en fait de trouver un travail qui n'était pas en relation avec ça. Mmh. Et même j'ai dû faire quelques tentatives pour sortir du lycée, aller un peu dans des IUT, mais ça m'a beaucoup déplu parce que c'était pas de la littérature qu'il fallait enseigner. Et là, du coup, ça me posait un gros problème. Et puis la danse, moi aussi, j'étais une danseuse. Enfin, quand j'étais petite, j'avais une passion terrible pour la danse classique. Et je me souviens que mes parents, c'était très, très gentil à eux parce que... alors, j'étais une très, très bonne élève, mais ils ont quand même passé un coup de fil donc au conservatoire de Metz pour savoir si ils avaient encore une chance de me faire rentrer au conservatoire de Metz. Donc, c'était vraiment très gentil de leur part. Alors, Stella, le professeur de danse de Georges, était un personnage très, très attachant. Elle refuse toutes les compromissions, elle est d'une exigence incroyable, mais en même temps, elle est d'une générosité folle. C'est un personnage de pure fiction ou tu t'es inspirée d'une personne réelle ? Alors, je me suis quand même inspirée de quelqu'un, mais de loin, en fait, parce que j'avais suivi des cours à Nancy avec Catherine Caffier, qui est maintenant professeur, enfin, qui est au conservatoire de Metz, maintenant, parce que quand le conservatoire de Metz a ouvert sa section de danse contemporaine, elle a réussi à y entrer. Donc, à l'époque où je connaissais Catherine Caffier, elle avait ouvert une petite école, elle aussi, où il n'y avait pas beaucoup de monde, où elle se ruinait en loyer qu'il fallait payer, etc. Parce qu'en fait, elle n'avait pas tellement le talent de faire venir les gens, de les fidéliser, oui, mais de les faire venir, de faire de la publicité, ça ne l'intéressait pas du tout. Et c'est quelqu'un, donc j'ai suivi quelques années de cours avec elle, elle était vraiment très, très, très intéressante, et elle m'a inspiré mon personnage. Et d'ailleurs, il y a un petit passage dans le livre qui, sur sa façon de transmettre, et en fait, ce n'est pas du tout quelque chose que j'ai vécu avec elle, mais ça m'a été inspiré par elle. C'est inspiré par elle. D'accord. Donc, je peux lire un petit passage. Bien sûr. Donc, le lendemain, elle est prête à les accueillir. Donc, c'est celle-là, bien sûr. Disponible pour chacun, perspicace, inventive, cherchant à remédier à leur faiblesse technique. De plus en plus, elle pose des mots sur les gestes. Ça, elle le faisait, Catherine. Des mots poétiques, des images pour leur indiquer vers où aller. Et quand rien n'est efficace et qu'ils renoncent, découragés, elle les envoie s'asseoir en large cercle et elle évolue au milieu d'eux, marchant, absorbée dans ses pensées. Puis, soudain inspirée, puisant en elle-même à on ne sait quelle source, elle effectue avec une justesse parfaite non seulement la suite des mouvements demandés, mais une chorégraphie inédite qui parle d'elle-même et indique à tous la bonne direction. Donc voilà, donc ce personnage, il est passionnant parce que je l'ai beaucoup, je pense, j'ai encore complexifié par rapport à mon modèle initial. Donc, par exemple, elle est pleine de contrastes parce qu'elle a quitté l'opéra et puis finalement, elle ne veut pas du tout montrer ses élèves dans des galas de fin d'année, justement, ça lui déplaît complètement. Alors, on lui fait des propositions pour aller dans des théâtres somptueux, mais ça ne l'intéresse pas du tout. Donc, elle va être pleine de contrastes. Donc, par exemple, elle veut quand même trouver, en fait, d'un côté, elle ne veut pas donc montrer ses élèves, entre guillemets. Oui. Donc, elle ne veut pas de décorum, voilà, elle ne veut pas ce que la danse classique parfois offre de pire, selon elle. Mmh. Mais elle voudrait bien créer une sorte de troupe idéale avec ses élèves, en fait. Elle recrée un petit groupe, elle est très jalouse de ses élèves, donc elle est très exigeante avec eux. Donc voilà, et puis il y a aussi ses histoires d'amour, parce que Stella donc vit seule, et elle a une passion pour son pianiste, Denis. Mais voilà, en fait, ça va très très mal se passer, parce que Denis est homosexuel, donc ça ne favorise pas trop les relations. Pas vraiment. Voilà. Et elle va, voilà, il va la repousser, elle va s'accrocher à lui, donc il y a aussi quelques péripéties dans ce sens. Alors moi j'ai une tendresse particulière pour Pauline. Tu lui fais dire à un moment, tu n'as pas idée de l'âme qu'on peut mettre dans un costume. Est-ce que pour toi tous les arts se valent ? Je dirais non comme ça franchement, mais en réalité, quand je relis mon livre, je me rends compte que si en fait. Parce que voilà, puisque déjà elle fait de la couture, mais elle va quand même s'inspirer de grands modèles comme Fortuny, en fait, cet artiste vénitien qui va beaucoup influencer la haute couture au début du XXe siècle. Et dans Proust, par exemple, on trouve beaucoup des robes de Fortuny. Oui. Enfin, c'est vraiment important. Et c'est une créatrice, en fait. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, tu n'as jamais eu envie de donner une suite à ce roman ? Parce que moi, j'ai envie de savoir si Jules va échapper à l'Holocauste, si Pauline va devenir une grande couturière, et si la voie choisie par Georges va remplir sa vie. Alors, on m'a déjà posé la question, en fait. Donc, je garde un peu l'idée en réserve. Pour savoir si je donnerai une suite au roman, effectivement. Ah oui, parce que tu parles énormément également, c'est une fresque historique, on dit, puisque tu parles de la montée du franquisme, de la montée du nazisme, donc on a envie de savoir, en fait, on a envie de connaître ce qui va leur arriver, tout simplement. Alors, tu as ici écrit d'autres livres, L'incendiaire, je crois, puis deux autres nouvelles. Voilà, donc j'ai écrit alors L'incendiaire, qui est le roman qui précède Le Maître de Ballet. C'est un roman qui est diamétralement opposé au Maître de Ballet, à tout point de vue. Déjà dans le style, parce que bon, c'est un style beaucoup plus lyrique que j'ai utilisé dans L'incendiaire. Et puis le sujet lui-même n'est pas justement réaliste, il va tirer vers le fantastique. Puisque en fait dans le livre, le personnage principal, qui est la narratrice du roman, a beaucoup d'enfants et elle vit dans une région reculée. Alors on sait que on ne peut pas l'identifier, on ne sait pas où c'est. Et il y a une sorte de régime dictatorial qui écrase absolument tout le monde. Et justement, son mari va être pris dans ce régime dictatorial. On va l'obliger en quelque sorte non pas à trahir les siens, mais voilà, à faire des choses qui ne sont pas à son goût. Et puis ce personnage, on va aussi avoir une passion pour un homme, l'étranger. Donc passion violente, sexuelle. Et voilà, on n'est pas du tout dans le dans la délicatesse du maître de ballet. D'accord. Alors, dis-nous où on peut trouver ton livre ou tes livres. Eh ben, en fait, à l'autre rive, il y a le maître de ballet qui c'est rue du Pont-Mougins. Voilà, rue de Pont-Mougins, voilà. Oui, d'accord. Et ton actualité, tu as des projets d'écriture ? Tu es en train d'écrire quelque chose déjà ? Alors, il y a plusieurs choses, en fait. Déjà, il y a un livre qui est fini, qui s'appelle Constantine, qui est un livre que j'ai dédié à mon père, parce que depuis l'enfance, j'entendais parler de cette ville de Constantine, qui correspond à la ville où il a passé la guerre d'Algérie. Donc j'ai voulu en savoir un peu plus. Il se trouve que mon père lui-même avait écrit pas mal de choses sur sa vie, sur sa famille, etc. Donc je lui ai emprunté le passage qui concernait l'Algérie et je l'ai développé, j'ai trouvé d'autres éléments. Mais c'est un livre qui est adressé à mon père. Donc voilà, donc celui-là, il cherche encore un éditeur. Et puis j'ai un projet tout récent. C'est un recueil de nouvelles où en fait les nouvelles vont avoir un lien les unes avec les autres par l'intermédiaire surtout déjà du lieu, parce que ça se passe quand même pas mal dans l'Est, dans le Nord-Est, dans la Marne, la Haute-Marne, en fait la grande région. La grande région maintenant, oui. Voilà. Et les personnages, alors il est un peu mélancolique ce recueil pour le début voilà, des histoires. Il va y avoir des rapports entre les personnages, c'est-à-dire, par exemple, j'ai écrit une nouvelle sur un fil de feriste, et donc il a une relation avec une jeune fille qui est un petit peu effacée, qu'on va trouver dans une autre nouvelle. Donc, on va avoir un éclairage sur elle. Voilà, il y a des personnages récurrents, donc ils vont au fur et à mesure des nouvelles. Oui, d'accord. Alors, tu enseignes les lettres depuis quelques années. As-tu déjà eu l'occasion de déceler chez quelques-uns de tes élèves un talent en devenir ? Ah oui, tout à fait. Effectivement. D'ailleurs, à un moment, je faisais un peu des ateliers, je faisais des ateliers d'écriture avec un écrivain et une artiste peintre, Pascal Lelièvre, qui habite à Nancy. Et donc, on avait un petit groupe, justement, d'élèves qui participaient brillamment, en fait, qui écrivaient très, très bien. J'ai aussi fait des expériences avec des classes, avec un concours démo pour voir, qui consiste à écrire à propos d'un tableau. Donc là aussi, j'ai vu de très très beaux textes. Ah, oui, je suis sûre que les jeunes sont doués pour ça. D'accord, il faut les encourager, bien sûr. Voilà. Pourtant, maintenant, avec tous ces gens qui écrivent, enfin, je ne sais pas, est-ce qu'il y a encore de la place pour de nouveaux talents ? Moi, je pense qu'il n'y a pas trop de limites, finalement. Ce qui se passe, c'est que c'est la diffusion qui pose problème. Mm-hmm. Parce que, bon, quand on écrit son livre, voilà, qui n'est pas distribué par une grande maison d'édition, en fait, il n'est pas facile à faire connaître et on reste souvent, en partie, lié avec des gens qu'on connaît. Voilà. Et puis, moi, je suis contente que mes livres soient à la médiathèque de Nancy. Oui, c'est vrai. Parce que, bon, du coup, ça ouvre vraiment le public. Mm-hmm. Voilà. Et tu fréquentes aussi les salons, j'imagine ? Oui, voilà, effectivement. Donc, j'étais au Livre sur la Place. Mm-hmm. Et tu aimes le contact avec les gens ? Oui. Oui. Non, mais parce que, je ne sais pas, moi, je n'ai jamais rien à leur dire à ces écrivains. Soit j'ai bien aimé, effectivement, mais je ne me vois pas les approcher pour les critiquer, en fait. Ah, oui, tout à fait, oui. Ah, c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Oui, c'est vrai. Mais on rencontre toutes sortes de gens, y compris des fous complets. Ah bon? Oui. Qui viennent vers vous pour vous raconter leur propre histoire et qui ne vous lâchent plus. Ah oui, d'accord. Mais voilà, ça permet aussi de retrouver des personnes qu'on connaît. Oui, ça peut être chaleureux, effectivement. C'est chaleureux, oui. C'est vrai que ce qui n'est pas évident, c'est d'aller à la rencontre des gens, parce que forcément, ils passent devant les stands. Voilà, oui. Donc. Et tu penses que il y a une concurrence maintenant avec Amazon, bien sûr, qui vend des livres à bas coût. Et c'est un petit peu difficile maintenant de vendre des livres au prix normal, en fait. En fait, Amazon ne réduit pas les prix. Ce qui est réduit, c'est le prix pour acheminer le livre, en fait. Mais le prix lui-même... Des fois, ils les vendent de 0,99 centimes. Mais des livres d'occasion, alors, peut-être Pas seulement. Je n'ai pas trouvé ça, vraiment. Oui. Est-ce que tu crois que le livre est en danger ? Non, en fait. Non, mais parce qu'on entend toujours dire « le livre est en danger », non ? Non, je ne crois pas, en fait. Je ne crois pas, je trouve que ça serait très bien, finalement, qu'il y ait autant de livres. Oui, et puis voilà. Il y a de plus en plus de lecteurs, moi, je trouve. Voilà, de plus en plus de lecteurs. Donc, je trouve que c'est une bonne chose et que je ne vois pas trop la tendance s'inverser. D'accord. Eh bien, merci à Catherine Debras d'être venue nous parler de son livre. Au revoir à tous et à bientôt.